Frédéric Sigrist, dans votre chronique Blockbuster, vous voulez fêter un anniversaire. Oui Mathilde, car cette semaine c'était l'anniversaire de John Carpenter, ce réalisateur de génie qui vient tout juste d'avoir 74 ans. John Carpenter, c'est évidemment le réalisateur de New York 1997 avec Kurt Russell, de Los Angeles 2013, on l'attend sur Pékin 2022 et Inch'Allah Paris 2024. Il a réalisé The Thing, un huis clos en Antarctique où on ignore qui a été infecté par un extraterrestre. Il a réalisé Assaut, sur des policiers obligés de se confiné dans un commissariat pour survivre. Il a réalisé Halloween, la nuit des masques avec Jamie Lee Curtis. Des masques, des confinements et la peur d'être enfermé avec un infecté. En fait, ça fait 2 ans qu'on vit tous dans un film de John Carpenter. John Carpenter, il est un peu comme vous, Mathilde. Il a souvent eu raison trop tôt. Oui, parce que quand je parle avec vous hors antenne, Mathilde, vous dites souvent des trucs très sensés. Oui. Mais 5h du matin, franchement, c'est trop tôt. John Carpenter a surtout marqué l'histoire du cinéma de genre en déconstruisant totalement la figure du héros avec son acteur fétiche Kurt Russell. Notamment dans New York 1997, où Kurt Russell joue Snake Plissken, mais aussi avec Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, sorti en 1986. Où le personnage de Kurt Russell joue un routier sympa et qui n'est tout simplement pas le héros du film. Jack Burton dans le film est surtout un fier à bras brut de décoffrage en casquette et Marcel qui passe toute la bataille finale évanoui car il s'est assommé tout seul en tirant à la mitraillette dans le plafond. Jack Burton, c'est Jean-Michel Blanquer à Ibiza la veille d'une rentrée scolaire en plein Covid. Il a besoin de personne pour se tirer une balle dans le pied. Et le véritable héros du film, c'est Wang Chi, un sino-américain joué par l'acteur Dennis Dunne, un rôle qui devait initialement être joué par Jackie Chan. Et en 1986, Mathilde, rendez-vous compte, John Carpenter avait déjà compris qu'il fallait sortir du complexe du White Savior. Oh, qu'il est vilain cet anglicisme. En français, ça donne quoi? Alors en français, on appellerait ça le complexe Bernard-Henri Lévy. Le complexe du sauveur blanc, Mathilde. Alors c'est un procédé narratif souvent utilisé à Hollywood. On le retrouve dans Danse avec les loups, avec Kevin Costner, Le Dernier Samouraï, avec Tom Cruise, même Avatar avec Sam Worthington. En général, c'est un Américain qui découvre une culture étrangère, il la maîtrise en 15 jours, 3 semaines, et ensuite il explique aux indigènes qu'il faudrait peut-être se sortir les doigts pour se rebeller contre l'envahisseur blanc. Alors c'est pas forcément des mauvais films, mais c'est souvent une vision un peu ethnocentriste de l'histoire. Comme quand on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En fait, il a surtout découvert l'Amérique pour les Européens, parce que les Amérindiens qui vivaient là-bas, ils lui ont pas dit oh, merci de nous avoir découvert, monsieur Colomb, ça faisait des siècles qu'on se demandait où on était. Mais John Carpenter est un des premiers réalisateurs à avoir découvert la richesse du cinéma de Hong Kong avec le film Zou, Les Guerriers de la Montagne Magique de Choi Hark, sorti en 83. Et il a voulu rendre hommage à ce cinéma, non en le plagiant, mais en le juxtaposant au canon du héros américain de l'époque, Jack Burton, joué avec jubilation par Kurt Russell. Et mention spéciale pour Kim Cattrall dans ce film, la mythique Samantha de Sex in the City, qui est tout aussi formidable dans Jack Burton. Jack Burton a fait un bide au box-office, le public de l'époque était quelque peu décontenancé, mais depuis c'est devenu totalement culte. Comme quoi, soyez rassurés Mathilde, on peut avoir raison trop tôt et connaître la gloire très tard. Frédéric Sigrist, j'aime bien quand vous jouez mon agent, vous les 10%, c'est ça? Non, tiens.